une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire particulière, Zoé Sfez et Jean-Philippe Navarre nous ont emmenés en Allemagne assister à une curieuse cérémonie. C'était la pose d'une Stolperstein, littéralement pierre d'achoppement, pierre sur lesquelles on trébuche. C'est à l'initiative en 1993 du sculpteur et artiste allemand Günther Demnig qui entame un travail sur les victimes du nazisme. Il crée et encastre, au départ illégalement, sur les trottoirs de plusieurs villes allemandes, de petits carrés de métal de 10 cm de côté sur lesquels il grave à la main le nom, la date de naissance et le destin individuel de la victime devant le dernier lieu où elle vécut librement. Il bâtit ses pierres Stolperstein. Le 21 février dernier, une Stolperstein a été posée en mémoire d'Eva Salinger, habitante de Berlin, déportée le 29 octobre 1941 et assassinée 2 ans plus tard. C'est son petit-neveu, Joachim Salinger, qui en a fait la demande. Il veut rendre hommage à cette tante oubliée, l'une des seules de la famille Salinger, à ne pas avoir pu quitter l'Allemagne à temps. Aujourd'hui, nous retrouvons Joachim et sa longue enquête familiale, en espérant peut-être un jour l'arrivée des Stolperstein sur les pavés parisiens. Une Stolperstein pour Eva. Un documentaire de Zoé Sfez et Jean-Philippe Navarre. Aujourd'hui, réunir les vivants. Onze heures, quartier de Charlottenburg à Berlin. Au milieu d'une petite assemblée, un homme creuse la terre. Il remplace un pavé par une pierre surmontée d'une plaque de laiton gravé. Il s'appelle Günther Demnig. Il est artiste et c'est lui qui a imaginé ces pierres de mémoire que l'on trouve aujourd'hui dans des centaines de villes européennes et qui leur a donné leur nom, Stolperstein, pierre sur laquelle on trébuche. Je crois que ça doit faire 30 pierres ce matin et une petite pause me ferait du bien. En fait, l'histoire de ce projet, elle a beaucoup changé. Je crois que le tout premier projet, il était à propos de Zigane et c'était plutôt une marque dans la ville à la craie. Donc effectivement, les premières déportations des nazis en concernaient les Tziganes et c'était comme une générale pour les nazis. En 1990, j'ai inscrit sur la rue des noms des gens. C'était dans la ville de Cologne, dans le quartier de Deutzmesse. C'est une foire qui a été un camp excentré de Buchenwald. Et quand j'ai fait ça pour la première fois, il y a une dame qui est passée et qui m'a dit « Non, jamais, il y a eu des Tziganes qui ont vécu ici. » Pour vous dire que vraiment, cette femme, elle n'était pas au courant. Ça, c'est vraiment l'idée d'indiquer les noms des personnes là où ils ont vécu. Quand on pense au camp de concentration à Auschwitz, on peut seulement s'imaginer ce que ça a été en étant sur place. Ce qui compte, c'est de se souvenir de chaque individu. Et c'est pour ça que chaque pierre porte un nom d'une personne. Quand vous avez commencé, est-ce que vous imaginiez que ça pourrait prendre de telles proportions et que ça allait devenir votre vie? Au début, l'idée était plutôt conceptuelle. Je n'aurais jamais cru atteindre un tel chiffre. C'est un prêtre qui m'a dit « on n'atteindra pas les millions, on peut commencer petit ». Et on est à 70 000 aujourd'hui, je crois. La pierre numéro 70 000 a été posée en septembre de l'année dernière à Francfort. Aujourd'hui, on est peut-être déjà à 71 000. Actuellement, il y a 24 pays dans lesquels on trouve ces pierres-là. Cette année, vont suivre la Suède et le Danemark. C'est toujours vous qui posez les pierres? Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 9 personnes, avec Michael qui grave les pierres, ma femme qui s'occupe de la pédagogie, tout ce qui concerne la pédagogie autour de ce projet, et un webmaster. Et vous, Günther, vous êtes un artiste conceptuel au début. Qu'est-ce que c'est cette quotidienneté du geste que vous faites aujourd'hui ? Ce n'est pas devenu une routine. La pose même des pierres peut-être, le côté technique, mais quand je lis les noms sur les pierres, quand je lis aussi, quand je fais le lien qui a vécu avec qui, quelle pierre correspond à quelle personne, ça me travaille toujours. Ce n'est pas un quotidien, ce n'est pas une routine. Et quand je lis les noms, je pense aussi évidemment aux personnes, je pense aussi aux camps de concentration, aux femmes et aux enfants qui ont été souvent tués directement, alors que les hommes ont dû travailler encore avant d'être tués. Alors moi je m'appelle Joachim Salinger et je suis à Berlin pour assister à la pose d'une pierre commémorative pour une femme qui s'appelle Eva Salinger et qui est la sœur de mon grand-père. Pendant plus de 10 ans, Joachim a enquêté sur la vie de cette grande tante dont il ne connaissait pas même le visage. Une seule chose était sûre, Eva avait eu une petite fille, prénommée Ruth. Et elle était parvenue à la faire sortir d'Allemagne en mai 1939 grâce à une opération humanitaire britannique, les Kinder Transport. On peut imaginer que c'est une des photos que Ruth, petite fille, à l'âge de 8 ans, a emmenée en Angleterre avec elle. On voit des pliures, des traces, il y a même un endroit où on voit qu'elle a été déchirée. Cette photo-là, elle est restée. C'est une photo prise en hiver. Ça se voit tout de suite parce que Eva a un gros manteau de fourrure, un chapeau, un foulard. La petite Ruth a des bottes. Elle pose. Ce qu'on voit, c'est une petite fille qui a le sourire, qui donne la main à sa mère. Une mère un peu gênée d'être prise en photo, mais qui sourit quand même. Autour, on voit des arbres, des bancs un peu au lointain, un kiosque et des immeubles. On pourrait être à Berlin. Ça y ressemble, mais c'est pas certain. Elle est marrante, cette photo, parce que j'ai tout de suite su que c'était Eva, parce qu'elle ressemble un petit peu à des photos de sa petite sœur Selma. Elle tient un petit sac à main sous le bras, elle a un chapeau cloche, un peu de travers. Elle fait un peu d'Adam. C'est la première photo sur laquelle j'ai vu le visage d'Eva. C'est la photo qu'on regarde. Il y a un moment dans mes recherches où je pensais que je ne pourrais pas en apprendre davantage, ni sur Eva, ni sur Ruth. Ruth, j'avais cherché sa trace en Angleterre, mais c'était très compliqué, parce que si je savais qu'elle s'était mariée, je ne connaissais pas le nom de son mari. J'ai essayé de passer par la Croix-Rouge anglaise, ça ne donnait rien. J'avais pas de moyen de la retrouver. Et à un moment, c'était assez drôle d'ailleurs parce que c'était le jour de Noël 2013, j'ai reçu un email d'une femme qui habite en Angleterre, qui était de la famille de Ruth Salinger et qui voulait savoir si moi j'étais de la famille de Ruth Salinger et si je pouvais lui en apprendre un peu justement sur la famille allemande et sur ce qui s'était passé. J'ai répondu, on a commencé à échanger, et puis elle m'a envoyé une photo. Et c'est pas seulement la première photo, c'est la seule photo d'Eva. Thank you to be here for this Stolpersteine Verlegung. Danke schön. I will continue in English, so you could translate for the children, maybe. Right. Hélène Hughes. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le lien qui finalement vous unit à Eva? Eva qui a été déportée ici à Berlin alors que vous, vous êtes originaire de Sheffield en Angleterre. Ruth était par de Kinder Transport. En 39, elle est allée en Angleterre et la famille de ma mère a dit « Oui, nous pouvons aider cette petite. » Après ça, Ruth a vécu avec sa famille jusqu'à son mariage. Et ma mère était comme une mère pour Ruth, qui avait perdu tout, parce que Eva est morte à Kelno. La famille de ma mère, il y avait 6 adultes qui habitait dans une maison de deux chambres. Ma grand-mère et ses cinq enfants, mon grand-père était mort. Il y a les filles dans une chambre, les garçons dans une autre, et je crois que ma grand-mère et Ruth ont dormi dans le salon. Il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de place, mais la famille a trouvé une place pour Ruth. Qu'est-ce que c'est les Kindertransport? Avant la guerre, il y avait un homme anglais qui s'appelle Nicholas Winton qui a pensé que ce serait bon d'aider les enfants juifs d'Allemagne, de Tchécoslovaquie. Et il y avait 10 000 enfants qui ont voyagé de l'Europe à Angleterre avant le commencement de la guerre pour trouver le sauvetage. Donc ma mère a entendu parler de ses enfants. Elle est partie d'un groupe de théâtre et quelqu'un, je crois, a demandé à ce groupe, oh, nous avons des enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider? Et ma mère a dit immédiatement, oui, elle peut aller chez nous. Mon oncle a dit, je vais acheter les chaussures pour Ruth. Ma tante, qui était couturière, a dit, je fais les vêtements. Ma mère, qui était institutrice, a dit, je vais la mère pour cette petite. Et donc, Ruth est arrivée à Sheffield en mai, je crois. Elle avait 8 ans et elle ne parle pas l'anglais. Vous l'avez connue, Ruth, puisque c'était un peu comme une tante pour vous. Elle était tante Ruth. On sait qu'elle avait une histoire différente, mais elle est juste comme les autres. J'avais une tante Eileen, j'avais une tante Vera, mais il n'y a pas de différence. Est-ce que vous en parliez ouvertement dans la famille de cette histoire de Ruth? Pas devant Ruth. Elle ne parlait jamais de sa vie en Allemagne. Elle ne parlait jamais de sa jeunesse. C'était interdit. Et vous, Hélène, vous êtes une des seules dans votre famille à vous être intéressée comme ça à l'histoire de votre famille. Comment est-ce que vous avez trouvé des informations sur Ruth? Qui vous a donné les documents que vous avez aujourd'hui? C'était ma mère. Les autres, ma sœur, mes frères, ne s'intéressent pas beaucoup. Mais pour moi, je crois que c'est toujours intéressant. Et donc, j'ai gardé ces choses. Et je crois qu'à mon âge, je pense que c'est important que ces documents vont survivre. Aujourd'hui, je vais les donner à Joachim parce que c'est sa famille. Ça. C'est le laissez-passer de Berlin. Un Kinderausweis, ouais. C'est un passeport, hein? C'est un passeport provisoire. Mais... Et la date quand elle est arrivée en Angleterre, Immigration Office. C'est le 4 mai 1939. Et après ça, elle est allée à Sheffield. Harwich, oui. Et il y a marqué Bentheim. Ausgereist, 3 mai 39, donc c'est le visa de sortie d'Allemagne par le poste frontière de Bentheim. Leave to land granted at Harwich. On condition that the holder does not enter any employment paid or unpaid while in the United Kingdom. Donc c'était un visa qui n'autorisait pas à travailler. C'est un visa qui n'autorisait pas à travailler. Oui, c'est ça. Elle peut rester là, mais c'est parce que les enfants de Kindertransport ont moins de 16 ans. 17, je crois. Mais elle avait 8 ans, donc elle ne devait pas travailler. Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est la lettre de Eva. Voilà. Où elle dit que ça fait plus... Donc c'est le 22 octobre 39, et elle dit que ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille, Ruth, et elle demande à son cousin Norbert qui est déjà réfugiée aux Pays-Bas depuis quelques années, si elle peut essayer d'avoir des nouvelles. Et elle dit, l'adresse de la famille de Ruth est, c'est Miss Dora Balance, 75 Wayland Road. Sheffield, England. Dora Balance, c'est... C'était ma mère. Et elle dit que les lettres ne sont pas arrivées, et donc elle demande à son cousin de faire l'intermédiaire. Et d'ailleurs, elle a raison, comme les Pays-Bas ne sont pas officiellement en guerre avec l'Angleterre, à ce moment-là, le 22 octobre, peut-être que c'est possible de faire passer du courrier. Évidemment, elle a eu raison, parce que si toi, tu as cette lettre, c'est que cette lettre est arrivée à Wayland Road. Exactement, oui. Et l'adresse de Eva, en ce moment, est l'adresse où, ce matin... Nous avons vu les Stolpersteine. C'est ça, elle dit à la fin, « Meine Adress ist Berlin, Lothringerstrasse, 31. » J'ai une photo avec Ruth au mariage de mes parents. Ça, c'était à 41. Elle était là depuis 3 ans. Elle avait un grand sourire. Sur son visage, elle est contente et je crois en ce temps-là, elle était contente d'être dans la famille. Elle voudrait changer son nom après la guerre, mais le Croix-Rouge a dit non, c'est important pour les enfants de Kindertransport de garder leur nom pour que les parents puissent le retrouver après la guerre. Ruth a gardé le nom Salinger jusqu'à son mariage. Et il y a aussi deux lettres de Helmer Salinger. C'était ta grand-mère? Oui. Il y a une lettre de Helmer à Ruth, octobre 46 de Lyon. Oui, elle veut reprendre contact avec cette petite fille. Et peut-être pour elle, tout simplement, prendre contact, parce que ma grand-mère, probablement, ne l'avait jamais rencontrée, ne l'avait pas connue. Ils ont cherché à savoir, après la guerre, ce qui était arrivé aux personnes de leur famille. Et là, ils n'ont pas encore la certitude qu'Eva est morte en déportation. Simplement, Eva est portée disparue, on ne sait pas où elle est, et voilà, à ce moment-là, en octobre 46. Par contre, on a retrouvé enfin la trace de Ruth, et il y a l'idée, elle lui écrit en allemand, hein, la lettre elle l'a écrite en allemand. Donc on prend un certain nombre de précautions, on lui demande quand même quelle est la dernière adresse qu'elle a eue en sa possession pour Eva, et c'est une lettre pour essayer de prendre contact, pour essayer un peu de lui dire, bah, si tu veux, nous on est ta famille, et donc si tu veux nous écrire, si tu veux discuter avec nous, c'est possible. Il y a l'autre lettre, là, c'est celle-là, qui est un peu plus tardive, qui est le mois suivant. Alors, c'est une lettre de novembre 46. Le tout début, c'est « Ma chère Madame Hughes, avec grand plaisir, j'ai reçu et lu votre gentille lettre, chère Madame Hughes. » Dans cette lettre, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus prudent, que dans la réponse, il y a dû avoir 2-3 informations... disant entre autres, bah, nous ne sommes pas une famille juive, mais nous sommes une famille chrétienne. Nous nous sommes très bien occupés d'elle et nous sommes prêts à continuer. Et pour l'instant, Ruth a envie de continuer à vivre chez nous. Voilà. Ma grand-mère répond comme ça, en français, parce qu'elle ne connaît pas l'anglais, en disant des choses assez... moi qui me bouleverse quand même pas mal. Nous sommes très heureux de savoir notre chère nièce Ruth sous votre protection et garde et ne sais vraiment pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour cette jeune enfant qui a perdu, hélas, beaucoup trop tôt et par les mains des assassins, sa mère, comme des milliers d'enfants israélites. Alors elle est touchante parce que c'est l'écriture de ma grand-mère et c'est les fautes de français de ma grand-mère. Nous sommes entièrement d'accord avec vous, virgule, ma chère madame, virgule, que chère Ruth suive votre religion. Surtout, elle a été élevée là-dedans par vous. Point. Étant chrétienne, elle sera probablement plus heureuse. point d'exclamation. Cette phrase, écrite de la main de ma grand-mère, presque je sais, ma grand-mère, enfin mes grands-parents, mais ma grand-mère, peut-être pas particulièrement religieux, mais être juif, ça avait du sens. Je ne crois pas deux secondes à sa sincérité. Je pense qu'elle écrit ça et que ça lui coûte beaucoup, mais elle fait l'effort d'écrire ça. C'est assez déchirant. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Là, vous avez posé, Gunther, une trentaine de pierres ce matin. Est-ce qu'il y a des pierres, des moments, des pauses qui, au long de l'année, vous redonnent de la force? J'ai lu qu'il y a des pierres qui aident véritablement aujourd'hui des gens à se reconnecter. Est-ce qu'il y a des moments qui vous touchent plus que d'autres? Par exemple, aujourd'hui, ce qui a été beau, c'est de voir les personnes qui habitent cet immeuble, qui ont fait des recherches sur l'histoire de leur immeuble, qui a vécu là, qu'est-ce que les personnes qui ont vécu dans cet immeuble, qu'est-ce qu'ils ont vécu, vraiment être sur les traces de l'histoire et de se réunir pour ce projet, aussi trouver des financements pour la pose de ces pierres-là, c'est beau à voir. C'est pas seulement les personnes qui habitent la maison, mais aussi les familles, les descendants. Les gens sont très reconnaissants. Ça, c'est beau dans ce travail. C'est toi qui m'as retrouvé. C'est pas moi. Non, c'est pas une blague. C'est toi qui m'as retrouvé. Et pourtant, des recherches, j'en ai fait. Hein. Oui. Pour essayer de trouver Ruth. Je ne savais pas précisément quand elle était née, mais je savais qu'elle ne devait pas être beaucoup plus âgée que mon père. Donc quand j'ai fait les recherches, je me suis dit, elle est... Enfin, il y a toutes les chances qu'elle soit encore en vie. Voilà, j'avais son nom de naissance, Ruth Zahlinger. Son nom éventuellement adoptif, Hughes. Je savais qu'elle avait été mariée, mais c'est tout. Je savais pas le nom. Hughes, je suis désolé, hein. Mais c'est un nom assez banal en Angleterre. J'ai cherché, je suis tombé sur des listings d'annuaires avec 45 familles Hughes dans la région de Sheffield. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Donc, j'ai écrit à la Croix-Rouge française. J'ai même essayé de passer par l'association, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais l'association des anciens Kinder Transport, des anciens enfants, voilà, en Angleterre. Alors eux, ils m'ont répondu, elle n'est pas adhérente chez nous. Et moi, j'avais abandonné. Oui. C'est toi qui m'as trouvé. Oui. C'était important pour moi, pour savoir l'histoire d'Eva aussi, parce que je savais qu'elle était morte, mais c'est tout. Donc, de trouver son histoire et d'être ici aujourd'hui pour se souvenir et regarder les Stolpersteine, c'était le fin de l'histoire. Et maintenant, j'ai un autre cousin, un cousin français. Ce projet des Stolpersteine, pourquoi il vous plaît? Ce qui me plaît vraiment, une des choses qui me touche beaucoup dans le projet de Gunther Demnig, dans le projet des Stolpersteine, à mon sens, c'est le seul qui donne à voir l'échelle continentale de ce que ça a été que la déportation des Juifs d'Europe, en créant une mosaïque réelle, parce que ces pavés, ces carrés de laiton, ils sont réellement mis dans des villes ou des villages, en Allemagne, à Berlin et dans plein d'autres villes, mais il y en a aussi en Pologne, il y en a dans certains pays baltes. Moi, j'en ai vu à Prague, je sais qu'il y en a aussi à Budapest, il y en a à Vienne, j'en ai vu en Belgique, j'en ai vu aux Pays-Bas, il y en a en Italie, il y en a maintenant en Grèce, il y en a en France, pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est réel, ça construit le paysage européen de ce que ça a été que la déportation des Juifs d'Europe, et c'est, à ma connaissance, unique comme projet. Le fait qu'il y ait autant de Stolpersteine dans les rues aujourd'hui en Europe, fait qu'il y a aussi parfois des dégradations. C'est vrai, ça fait partie. Jusqu'à aujourd'hui, 800 pierres ont été enlevées. Et là, clairement, quand ça se passe la nuit, la veille du 9 novembre, par exemple, c'est un symbole, il n'y a pas de doute, c'est un geste qui vient de la droite. Mais ce qui est intéressant et bien à savoir aussi, c'est que souvent, quand il se passe des dégradations, souvent, il y a après plus d'argent qu'avant. Par exemple, une fois, ont été enlevées 11 pierres et après, on a remis 36. Et puis, il y a ce que ce petit objet, ce carré de laiton de 10 cm par 10 cm, va créer, va générer dans les semaines, les mois et les années qui suivent auprès des gens qui habitent l'immeuble, qui passent là tous les jours, ou d'un passant qui passera par hasard, mais va être saisi, va regarder, va lire, va abaisser son regard et va se rendre compte que, ah oui, là où je passe, il s'est passé ça. Quelqu'un a vécu, a été arrêté, a été déporté et a été tué. Voilà. Il y a des grandes villes encore, en Europe, en Allemagne, pour différentes raisons, qui refusent de donner des autorisations aux personnes ou aux associations qui aimeraient poser des Stolpersteine. Qu'est-ce que vous pensez pourtant que ce projet pourrait apporter ? C'est difficile à dire. Ce que je trouve important, c'est que la pose de ces pierres réunit des gens. On l'a vu aujourd'hui. Mais les gens y reviennent aussi. Ils reviennent pour se souvenir, pour passer un moment dans la mémoire de l'histoire. Moi, je dirais plutôt, c'est un peu honteux pour ces villes-là qui ne participent pas au projet. On peut le voir aussi avec Munich, qui est maintenant entourée de villes qui participent au projet. Et finalement, ça va être Munich qui serait la seule ville. Et c'est un peu honteux pour ceux qui ne participent pas, je dirais. Aujourd'hui, vous disposez, parce que vous avez posé des pierres dans toute l'Europe, de données incroyables sur à la fois les victimes du Troisième Reich, les victimes du nazisme, les homosexuels, les opposants politiques, les handicapés, les juifs, les tziganes. Vous êtes peut-être devenue une institution en vous-même, parce que ces données, elles sont souvent éparses. Nous sommes en train de monter une banque de données où on pourra voir des photos des pierres avec le plus d'informations possibles sur la personne. Actuellement, nous sommes à 10 000 sur 70 000. Au bout de 11 ans de recherche, Eva, c'est qui pour vous ? Je pense que c'est une cicatrice. C'est pas la mienne. C'est la cicatrice de mon grand-père. C'est une grande sœur que, pour un tas de raisons que je connaîtrai jamais, il a pas su conserver. À la fois parce que, évidemment, elle est morte en déportation, mais aussi parce qu'il a pas su conserver de traces d'elle. De lettres, de photos, d'écrits, alors que je sais maintenant qu'il y en a eu. Il y a eu des échanges entre eux. Et cette cicatrice, cette plaie, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Aujourd'hui, pour moi, elle est refermée. Il ne s'agit pas de réparer les choses pour mon grand-père, que d'ailleurs moi j'ai pas vraiment connu, mais c'est important pour moi de me dire que le travail que j'ai fait, ça referme une histoire. D'une certaine manière, cette pierre qui est posée pas très loin d'ici, maintenant, qui est dans le sol, ça l'inscrit. Eva, elle est inscrite ici, maintenant. Elle est plus perdue dans les airs. C'est plus une question posée. Une Stolperstein pour Eva, réunir les vivants. Avec Joachim Salinger, Helen Hughes et Gunther Demnig. Merci à Anna Warda et Marie Eck. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, mixage Alain Joubert, un documentaire de Zoé Sfez réalisé par Jean-Philippe Navarre. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 où nous continuerons notre étonnante collection d'histoires de lieux. Mais c'est une autre histoire.